Bonsoir à tous et bienvenue pour le traditionnel podcast de Folia Liga. Au programme ce soir, un spécial classico. Vous le savez, il y aura trois duels fratricides au cours des quatre prochaines semaines, deux en Copa del Rey et un en championnat, le 3 mars, qui sera une sorte de point d'orgue de cette folie footballistique. Pour m'accompagner ce soir, il est ravi de la prolongation de Dani Palermo, Michel Campos, bonsoir. Bonsoir. Et je sais, dans le monde, on doit présenter les jeunes femmes avant, mais on est tellement heureux qu'elles soient de retour que j'ai préféré lui faire un spécial featuring. Vasquez, bonsoir. Bonsoir, ravie de vous retrouver, enfin. Plaisir partagé. Plaisir partagé. C'est un spécial classico, évidemment, parce que ça va être. Il y a eu le tirage au sort au Benito Villamarín des demi-finales de la Copa del Rey. Première demi-finale, Betis Valencia, mais évidemment, le monde du football ne va parler que d'une chose. C'est du duel FC Barcelone-Real Madrid, demi-finale donc de la Coupe et le match en championnat le 3 mars prochain qui pourrait soit plier la saison, soit la relancer complètement quatre victoires du Real Madrid qui a beaucoup à se faire pardonner par rapport au Classico 5-1 de le dernier match de Julen Lopetegui. Mais les choses ont changé au Real Madrid. Il y a un nouveau shérif dans la maison, il s'appelle Santiago Solari et il y aura une belle opposition de style entre Ernesto Valverde et donc Solari. Comment vous voyez cet affrontement, sachant que on a vu un Real Madrid qui revient plutôt pas mal et un Barça qui se complaît dans la Messi dépendance Solari. Alors, disons que je vois cette rencontre de deux façons. Soit le Real prend le dessus et profite de l'absence de Messi pour se relancer et confirmer quand même son regain sur ses derniers matchs, parce qu'il faut le dire, le Real de Solari va beaucoup mieux que ça ne l'était avant la trêve, je trouve. Ça va de mieux en mieux. Soit le Barça est encore galvanisé en l'absence de Messi, comme face à Lopetegui, et sort l'artillerie lourde mentalement. Après, je trouve que les deux coachs se ressemblent un peu au niveau de leur gestion tactique. Bon, d'un point de vue tactique, quand même, les deux coachs ne nous ont pas proposé de choses folles, voire même plutôt ennuyantes et un peu tirées par les cheveux. Donc, ça va donner, à mon avis, beaucoup de surprises, peut-être aussi tactiquement. Il va falloir analyser ça aussi de ce point de vue-là, parce qu'on a deux coachs quand même qui ne sont pas à l'abri, de nous pondre des surprises. Et ça va être un duel très intéressant à regarder et plein de surprises, je pense, et avec plein d'enjeux. L'enjeu pour les Real, vraiment, de confirmer que ça y est, les automatismes sont en place, le duo devant Vinicius Benzema fonctionne. Que l'équipe reprend de la confiance et l'occasion aussi pour Valverde de s'enlever de cette Messi dépendance qui vraiment colle à la peau de ce Barça en ce moment. Michel, qu'est-ce que tu en penses? Que tu as vu tu as vu le match contre le Barça Valencia. Collectivement, c'était quand même très compliqué pour ce Barça-là parce que face aux deux lignes de quatre très resserrées de Marcelino, finalement les Blaugrana ils en sont toujours remis au même circuit de passe, c'est-à-dire toujours chercher Messi en première intention et puis débrouille-toi, sors-nous quelque chose. Allô, Michel? on m'entend? Ouais, Ah ouais, on excuse-moi, m'entend. j'ai un problème avec mon micro. Oui, bah après, moi, pour moi, je pense que surtout ce qui a manqué au Barça face à Valence samedi dernier, c'était surtout Busquets. Pour moi, Busquets, même si on parle toujours des mêmes, hein, de Messi, etc., au milieu de terrain, ils étaient complètement perdus. Enfin, pas complètement, mais pour moi, le Valence avec Palermo a gagné la bataille au milieu de terrain. Ce qui a fait, en tout cas en première mi-temps, ce qui a fait du mal, et je pense que la présence, tu me diras ce que tu en penses, Léa, mais je pense que la présence de Busquets déjà face au Madrid pour ce Classico va leur faire le plus grand bien au Barcelone. Après, je ne sais pas, je suis vraiment mitigé parce que on en parlait, je crois, ensemble hier sur Twitter, François. Tu disais que cette Liga elle est tellement folle que le Madrid peut encore gagner. Peut encore gagner la Liga, je peux te dire un truc dans le genre. Et je te demandais carrément si t'étais sérieux, parce que pour moi, c'est impossible. C'est-à-dire que ce Madrid-là, lors d'aujourd'hui, avec tous les problèmes qu'ils ont eus, avec l'effectif qu'ils ont, qui pour moi, après, c'est à titre personnel, hein, de nouveau, je trouve que c'est l'une des plantillas, comme on dit en espagnol, qui est la plus pauvre que j'ai vue avec ce Madrid. Je n'ai pas l'impression qu'ils ont un banc de touche assez suffisant. Et d'un côté, tu as le Barça qui gagne, qui gagne, qui gagne, mais qui n'est pas convaincant non plus, tu vois ce que je veux dire? Là, en l'occurrence, ils ont fait match nul. Après, Valence a une équipe qui, depuis plusieurs années maintenant, a toujours réussi à jouer ce genre de match-là contre le Barcelone. Maintenant, moi, pour ma part, je pense que le Barcelone est favori face au Madrid. Je le pense parce que même si Messi n'est pas là, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de tension avec Solari au Madrid. Je ne comprends pas le cas Isco, je ne comprends pas le cas Asensio. Je ne sais pas. Je suis très mitigé, mais je pense que le Barcelone part avec un peu, et avant, et pour moi, avec un poil d'avance quand même. Vous en pensez quoi, vous? C'est vrai que l'absence de Sergio Busquets, ça a été évidemment Ah ouais, prépondérant. ça a été. Putain, il y avait un trou au milieu de terrain. Pourtant, Arthur, il fait un très bon travail au Barça, hein, mais Mais en fait, c'est ça qui était très surprenant avec Solé. On a coécrit justement l'analyse d'après-match. Ce qu'on n'a pas compris, et je pense que beaucoup de monde ne l'a pas compris, c'est pourquoi c'est Aleñá qui est sorti et pas Arturo Vidal. Parce qu'Arturo Vidal, on aurait dit un petit peu un poulet sans tête, il était complètement perdu. Rakitic a fait. Il a fait une première mi-temps qui était convenable. Mais ce qui était très surprenant, c'est de voir Kalinia monter en régime. Parce qu'au début, il s'est quand même mis dans les pas de Rakitic avant de faire des très intéressants en deuxième période, de gagner en volume de jeu. Et on a l'impression qu'il a coupé dans son élan. Et au lieu de se dire, on va remettre le pied sur le ballon avec Aleñá et Arthur Melo, on sort Aleñá et on garde le Chilien. C'était assez étrange, et là où je pense que le Barça a eu de la réussite aussi, c'est que les contres valenciens à la fin étaient plus tout tranchants parce que Cheikh et Vaz ont beaucoup travaillé pendant 1 heure, ils étaient complètement cuits. Mais s'il y avait eu plus d'ailiers disponibles pour Valence, du style un Guedes ou un Ferran Torres qui était rentré plus tard, moi je pense que Marcelino aurait peut-être dû faire rentrer Santimina tout de suite à la place de Gamero pour rester dans la même filière de jeu. Mais s'il avait pris des gens un peu plus rapides, ou même un Kangin par exemple, ça aurait été plus compliqué. Effectivement, quand ils n'ont pas Sergio Busquets au Solé, Après, tu sais, ils n'ont plus la boussole. Hein. il y a un Non, truc qui m'a. ils ont plus l'équilibre. Et là où je te rejoins aussi, où j'ai pas compris, c'est que quand tu as quelqu'un qui t'apporte de l'animation et qui remporte ses duels comme Aleñá, autant te sécuriser avec Busquets et sortir le maillon faible qui était clairement au milieu, qui était Vidal. Pour une fois, Rakitic, oui, en première période, tenait la route, bon, même si ce n'était pas parfait. Cette fois-ci, il était un peu plus en place. Et ce qui manquait vraiment, c'était du contrôle. Donc, soit Busquets, soit vraiment Arthur pour garder le pied sur le ballon et avoir le contrôle qu'il a eu le week-end précédent. Mais après, c'est des choix pour moi qui restent incompréhensibles, que ça soit au milieu ou même derrière. Moi, j'ai pas non plus très bien compris le choix quand même de Valverde de titulariser Sergi Roberto latéral gauche, alors que on savait très bien que Valence allait vraiment boucher l'axe et que ça y avoir un but, c'est qu'il y avait quelqu'un qui devait être solide dans les transitions défensives, qui devait aussi être agressif sur le porteur du ballon. Enfin, toutes les qualités normalement qu'un latéral doit avoir, que Sergi Roberto n'a pas, ni à droite ni à gauche. C'est des choix qui sont aussi bien sur à peu près quand même tous les postes, parce que si on parle de Coutinho, c'est pareil, vraiment inefficace en tant qu'ailier gauche. Il y a des tonnes de choix de Valverde que je n'arrive pas à comprendre, et c'est là où est le danger. Et sans Messi, qui plus est, c'est quelle vraiment animation va, enfin quel compo tout court va mettre Valverde en place. Parce que si c'est comme face à Valence, où c'est un peu tiré par les cheveux et hors de contrôle, et où on mise sur l'instabilité plutôt que la stabilité, le Real, vu comment ils sont partis dans quand même une confiance qui est grandissante, ça peut faire très mal, et cette fois-ci, le score s'inverser. Hein. Comprenez Moi, je suis pas. En fait, déjà, il y a juste deux trucs que je voulais revenir sur ce que tu as dit maintenant, mais juste avant, moi, je regarde toujours en fait le match les matchs du Valence en rediffusion, surtout pour pouvoir préparer les articles pour Valencia Sport la semaine, pour qu'ils soient plus constructifs, parce qu'en général, encore plus contre le Barça, sur le feu de l'action, bah, tu es tellement concentré que tu fais attraction à tout. Et puis, il y avait les consultants de beIN Sports Espagne qui disaient que pour eux, Parejo avait été l'homme du match, bien entendu, à part Messi, et puis que le Valence avait gagné le milieu de terrain. Puis moi, j'étais là, ok, cet argument, je peux l'accepter pour la première mi-temps, parce que la deuxième mi-temps, le Barcelone a clairement enfermé le Valence dans sa surface. Puis en revoyant en fait la rediffusion du match, il est vrai que, comme vous dites, même contre le Barcelone a étouffé Valence, en fait, il n'y avait pas de milieu de terrain, entre guillemets. Parce qu'à chaque fois qu'il y avait une bataille au milieu de terrain, le Barcelone était complètement à la rue. Alors, le Valence n'a pas l'effectif du Madrid, par exemple. Effectivement, si le Madrid arrive à gérer les contre-attaques que Valence a produit ce week-end, mais avec de la réussite et de la rapidité, parce que si Rodrigo met le 3, hein, le 3, le match il est plombé, mais hein, avec un Benzema qui est en feu en ce moment, Gareth Bale qui revient, il y a Lucas Vasquez aussi, il y a des joueurs comme de rapidité, chose que Valence n'avait pas, étant donné que Thierry Schäfer était cuit, que Guedes n'était pas là, que Ferran Torres est rentré plus tard, je pense que ça peut faire mal. Après, j'ai l'impression, et pourtant moi je suis vraiment neutre entre Madrid, Barcelone, enfin, vous savez que je suis pour Valence, et puis qu'après le reste... J'aime regarder le football, donc je prends parti de personne. Mais je trouve que les gens, ils sont un peu durs avec Valverde pour la simple raison que, pour moi, le seul faux pas que Valverde a fait jusqu'à présent, c'est contre la Rome, quoi. Et j'ai l'impression que on l'a critiqué, mais il a claqué le Madrid à chaque fois. Enfin, si je ne me trompe pas, tous les classicos qu'il y a eu avec Valverde, ils ont été gagnés. Et il est quand même plus que jamais leader. Je pense que le seul faux pas qu'il a fait jusqu'à présent, c'est contre la Roma. Après, oui, il fait des choix qui sont discutables, mais pour l'instant, ça lui réussit, entre guillemets. Vous n'êtes pas d'accord? Les classicos, il perd ceux de super coupe avec Asensio. Oui, il y avait Et cette ça, c'est fameuse particulier, t'as stat. raison, c'est Ouais. particulier. Mais c'est vrai, quand tu parles de la Roma, c'est vrai qu'il y a ce spectre-là chez beaucoup de supporters Moi aussi, exactement pareil. qui justement disent c'est maintenant qu'on va savoir où on est le Barça. Personnellement, je l'ai trouvé extrêmement feignant tactiquement, Mais dans oui. la créativité offensive. Je ne comprends pas ce qu'ils font. Et en Mais plus, ça. ils sont capables de le faire. Ils sont capables de le faire contre le Classico, il n'y avait pas Messi, ils ont été très bons. Mais si on Après, regarde un Neymar manque peu beaucoup aussi, on n'en parle pas beaucoup, mais Neymar, honnêtement, c'est là que tu te rends compte que franchement, j'ai l'impression que Neymar, on le savait tous, on sait tous que ce joueur est un joueur de grande classe, mais. Et j'étais très déçu de Coutinho, en fait. Très déçu de Coutinho, je m'attendais à beaucoup plus. Et j'ai Après, l'impression que. Solé. Après, pour revenir à ce que vous dites, c'est par rapport à la saison dernière, on était aussi bien parti jusqu'après la trêve justement hivernale. Et au moment où sont venues les rotations, les premières fatigues, etc., on a vu le Barça se casser les dents totalement. Parce que au moment des premières fatigues, on a vu, bah, c'est ce qui est en train de se passer là, que on peut plus compter seulement sur Messi ou sur Dembélé du coup qui se blesse. C'est une poignée de joueurs qui arrivent quand même à surélever cette équipe. Enfin, aux plus grandes des victoires, notamment le 5-1 en octobre dernier, cette équipe-là, elle était transcendée. Même Sergi Roberto a fait un bon match. Là, on l'a vu face avant Valence. Parfois, il y a ces relents, on va dire, ces regains qui font que tout bêle. Mais quand on gratte un peu, quand on regarde tous les matchs, on se rend compte qu'avec un peu de fatigue, cette équipe-là, elle peut strictement imploser et qu'on n'arrive à rien en retirer tactiquement parce qu'il n'y a pas de réanimation. Et c'est ça qu'on reproche en fait J'ai à pas Valverde, compris. c'est de savoir s'adapter au fur et à mesure de la saison. Et on remarque depuis la saison dernière que plus la saison avance, plus la crasse ressort et les difficultés ressortent. Et que si Valverde ne gère pas bien ses rotations et ses animations, et ben quand on va arriver face à des équipes qui, eux, seront bien en place et qui auront leurs automatismes bien ancrés, ce qui est le cas, moi, j'ai regardé Lyon hier, sincèrement, j'ai peur parce que cette équipe lyonnaise est pareil, en confiance, à des automatismes que le Barça n'a pas. Et moi, c'est ça que je reproche à Valverde, c'est que, comme beaucoup d'observateurs, c'est que c'est pas une équipe qui est au point tactiquement et bien en place. On n'arrive pas à dire, hors Messi, qu'il y a vraiment des automatismes et une vraie animation dans cette équipe, alors que plein d'équipes ont déjà leur socle bien établi. Ouais, Et ça se oui. comprend. Excuse-moi, ça se repose toujours beaucoup sur l'association avec Jordi Alba, et on l'a vu en première mi-temps, Jordi Alba n'était pas là, ils ont complètement, ils ont vraiment galéré. La première chose qu'il a faite, c'est de faire rentrer Alba assez rapidement. D'ailleurs, le choix du joueur est assez étonnant, puisque moi j'ai plutôt gardé Semedo, je veux vraiment sortir tout de suite à coup de pied aux fesses Sergi Roberto, qui, alors évidemment, moi je me régale, parce que Sergi Roberto, lui-même ne sait pas quel poste il est, alors que son meilleur poste, c'est le long de la touche, mais de l'autre côté de la ligne. Mais il est catastrophique. On va changer de thème, mais pour moi c'est vraiment le problème des latéraux, dits modernes, qui ne savent ni attaquer ni défendre, et qui sont très très bien chez eux. Mais il y a aussi un problème aussi, ça, s'il est titulaire, le Real Madrid va certainement appuyer là-dessus, c'est le rôle de Coutinho, parce que Coutinho, ouais, il est mis dans la deuxième ligne de 3, la ligne offensive, c'est un joueur d'intérieur, et il fait rien. Mais tu penses pas que Coutinho devrait jouer au centre. Ouais, mais Coutinho n'apporte rien en tant qu'ailier gauche. Et jusque-là, Valverde l'a mis à ce poste. Et du coup, il est perdu. Pour moi, il est perdu à ce poste. Il n'y arrive pas. Est-ce qu'il a sa place à l'heure actuelle dans cette équipe-là? Une fois que tu as mis au milieu, tu as mis Busquets, Rakitic qui ne bouge pas. Tu mets. Il a quand même trois joueurs devant lui. Il a quand même Vidal. Mais parce que là, son équipe, elle est pas con. Excuse-moi de te couper, Miguel. Moi, si tu mets Busquets, Rakitic ou Arturo ou Vidal, ton équipe, elle est pas équilibrée. Parce que tu as un milieu de terrain défensif qui est Busquets, qui lui, distribue le jeu. Mais lui, c'est un milieu def et c'est vraiment celui qui va t'épauler la défense. Rakitic, qui est entre guillemets un distributeur. Et ensuite, tu as Vidal qui est aussi plus, pour moi, Vidal, c'est plus un casseur de jeu qu'autre chose. Et tu as Arthur qui est là pour distribuer le game. Maintenant, moi, je pense que clairement, Coutinho, tu dois le mettre au milieu de terrain. Et après, oui, il a un poste à se gagner. Maintenant, Rakitic, pour moi, n'est pas non plus. Rakitic, il joue tout. Je comprends pas. Parce qu'il y a des matchs, Michel, je précise. Moi, je parle dans la hiérarchie de Valverde. Il est loin derrière, dans la ligne offensive, quoi qu'il arrive, il est derrière Dembélé, parce que Dembélé il peut à la fois déborder et jouer à l'intérieur. Donc il a ce coudrin qui lui permet, en plus il est ambidextre, donc il peut vraiment cette faculté de déséquilibre et de casser le jeu. D'ailleurs, contre Valencia par exemple, Suárez il a pas touché un caramel, parce que tu as un joueur comme Coutinho qui n'arrive pas à l'alimenter en ballon, il est redescendu plein de fois Suárez. Je crois qu'il a pas touché un ballon dans la surface quasiment, enfin un ballon exploitable. Il a rien, alors que quand tu regardes les matchs de Suárez, à un moment on le voit pas, à un moment il va en mettre un. Tu sais qu'il va en mettre un, tu vois. Et là vraiment, il a rien eu dans. Et en plus, comme la défense est très resserrée, je sais pas comment ils vont certainement pas jouer aussi bas le Real Madrid, mais peut-être des pistes pour. C'est vrai que ce match-là, sans Messi, le Barcelone ne fait pas nul. Par exemple, si ça avait été le Madrid, admettons, on avait eu un Madrid-Valence, Valence qui gagne 2-0, t'as pas un joueur à Madrid qui fait la différence comme à Barcelone. Valence aura gagné le match. Tu vois, le Barcelone gagne clairement. Parce que oui, en deuxième mi-temps, ils t'ont étouffé tout ce que tu veux. Maintenant, c'était de la possession statique. Vous êtes d'accord avec moi ou pas? C'était vraiment. T'as Jordi Alba qui a fait énormément de bien. Et pour moi, le Barcelone a les deux meilleurs. Ailier du championnat pour moi, parce que je suis vraiment Sergio Roberto, il est en train de m'impressionner ce gars, il est vraiment super bon avec Jordi Alba, bien entendu. C'est pour moi, c'est les deux meilleurs. Et puis, t'as que Messi à l'heure d'aujourd'hui qui fait la différence. C'est violent, hein, franchement. Après, tu me dirais que ouais, lors du classique, la dernière fois, il n'était pas là, ils ont gagné 5-1. Maintenant, je ne sais pas si ça va se reproduire. Hein. Après, Dembélé de retour de blessure aussi, ça peut aider, parce que c'est quand même aussi l'un des joueurs avec Messi qui apporte le plus, notamment offensivement, et qui depuis le début de la saison a fait beaucoup. Et à l'heure actuelle, sans Dembélé et sans Messi, l'équipe n'a plus d'autres perturbateurs offensifs. Après, je sais pas s'il va il va jouer titulaire Dembélé, tu vois, donc ça veut dire que je pense pas qu'il peut le mettre tout de suite. Il va sûrement jouer à la minute du match parce qu'il a une blessure. Je sais pas, j'ai l'impression que le Barcelone, comme le Madrid, pour être le Barcelone et le Madrid, qui sont les plus gros clubs au monde, ont un effectif qui est très, très, très limité. Ça, c'est mon point de vue. Hein. Alors, pour refermer cette première partie, un petit passage sur le chat YouTube avec le grand retour du temps et l'espace. Sinon, c'est la soirée des retours. Et donc, il se demande si c'est bien Soledad qui parle. Oui, je confirme, c'est bien Soledad. Oui, c'est bien elle. Oui, donc voilà, effectivement, ça parle effectivement du manque de style du Barça de Valverde. Alors, Paname 75 va très loin, parce qu'il dit que c'est le plus mauvais coach que le Barça ait connu depuis Van Gaal. Oula. Alors, je sais pas si mérite tant d'insultes le Chingoli quand même, parce que Van Gaal, le Barça des Tulipes, c'était quand même fortement dégueulasse. Mais peut-être qu'au moi, niveau, je trouve que Valverde il a amené un plus quand même, parce que vous vous souvenez, hein, après l'ère Guardiola, on disait que le Barcelone avait une possession très statique, et puis que là, même moi qui ai toujours été un fan du jeu de Barcelone, hein, en tant que Valencien, je le dis sans honte, hein, j'adore le jeu du Barcelone, et j'ai trouvé qu'avec Valverde, on était plus sur un jeu de contre-attaque, de rapidité. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, ça a été quand même plus à un moment donné avec Tito, après avec Tata aussi, franchement, c'était ça t'endormait, quoi. Et là, je trouve que le Barcelone, maintenant un peu moins, mais en tout cas l'année passée, les deux premières années de Valverde ont été beaucoup plus mouvementées, on va dire, quand même au niveau jeu. Après, beaucoup plus ennuyant aussi, parce que le Barça de Valverde, c'est un Barça défensif. On l'a vu la saison dernière et on le voit encore maintenant, cette tendance à reculer qu'il a, qui est insupportable. Au lieu d'alourdir quand il le faut, il nous pond direct. Et il met le bus, dès qu'il peut, il le mettra. Mais moi, c'est ça aussi qui me frustre aimant cette équipe que j'aime voir attaquer, que j'aime voir jouer vers l'avant. Voir un coach qui systématiquement ressent ce besoin-là de reculer et ne pas avancer, c'est parfois frustrant, très frustrant. Regardez, je ne sais pas vous, mais parfois, c'est… On va passer à la deuxième partie de ce podcast qui est consacré au classico, aux trois classicos qui vont arriver, et une chose après l'autre. D'abord, cette demi-finale aller de Copa del Rey au Camp Nou mercredi. On a pas mal parlé du Barça, des problèmes tactiques du Barça. On va donc se focaliser un peu plus sur la nouvelle arme de Santiago Solari, une arme en deux temps, Vinicius Junior, Karim Benzema, qui depuis quelques semaines sont en train d'atteindre un niveau d'efficacité assez remarquable. Alors avec le Brésilien qui a été acheté 40 millions il y a, je crois, plus de 2 ans. Alors est-ce que c'était cher à l'époque? Oui. Est-ce que ça l'est maintenant? Certainement pas. Et Karim Benzema qui semble avoir assimilé le départ de Cristiano Ronaldo, qui s'est fait un peu violence pour devenir numéro 9 avec toujours cette âme de 10, comme il l'a dit il y a quelques jours. À l'Aves, on a pris 3. Alors à l'Aves, ils sont quand même en train de descendre, ils sont quand même fait déplumer au mercato, notamment Ibai Gomez et Ruben Sobrino. Donc eux, ils vont quand même logiquement baisser de pied. Mais c'était intéressant parce qu'ils avaient perdu à l'aller le Real Madrid quand même. À Menisolosa, et là quand même ils ont pas trop tremblé. Alors c'est bon, le Real Madrid n'est pas connu pour revendiquer quoi que ce soit au niveau du jeu, c'est plus dans l'efficacité, et là en ce moment ils l'ont. Est-ce que vous pensez qu'ils ont les moyens de laver l'affront du match aller en Liga où ils ont pris 5-1? Est-ce qu'à côté la place de Lopetegui Soledad, ils sont quand même sur une pente ascendante, ils sont quand même sur une bonne lancée. On voit que c'est une équipe qui quand même est plus stable, où il y a plus de mouvement, le jeu de passe est plus affiné notamment, et puis c'est quand même beaucoup plus confiant. Et vraiment cette efficacité devant avec Benzema et Vinicius, les deux sont totalement redoutables. Et je trouve quand même ça fort de la part de Solari quand même d'avoir destitué Bale, qui est quand même un peu invisible, du rôle de leader offensif pour mettre Benzema à sa place. Et quand on les voit les deux sur le terrain, Benzema et Vinicius, ça se comprend, ça se cherche tout le temps et ça s'amuse sur le terrain et c'est un plaisir à regarder. Et on reprochait à un moment de vraiment se reposer sur ce gamin, mais quand on voit quand même ce qu'il fait et il apporte beaucoup aussi, il déborde beaucoup, il apporte beaucoup de créativité aussi, le Real va beaucoup mieux, je trouve, et aussi ça décharge un peu Benzema qui est plus libre, il a plus d'espace, il est quand même, depuis l'arrivée de Solari, il est beaucoup plus libre. Il peut prendre l'espace qu'il entend et du coup s'exprimer, et c'est toujours à la construction des actions. Enfin, Benzema, on peut dire vraiment pas une renaissance, mais est-ce qu'il n'est pas à son summum en ce moment, je pense, et ça peut donner des étincelles. Après, à voir s'il va jouer, pour moi, pour le Real devrait continuer cette dynamique et vraiment lancer Vinicius face au Barça, parce que ce serait bête de s'en priver étant donné la marche du tonnerre et le feu de Dieu là. Ouais, parce qu'il y a Gareth Bale, il n'a pas forcément brillé non, hier. Il n'a jamais brillé Bale, de toute façon. Honnêtement, mais il est bon dans les gros matchs en fait. Il a fait des trucs dans les gros matchs, donc c'est ça qui est un peu ce qu'il est. Il est assez clutch à ce niveau-là. Mais est-ce que sur la forme du moment, est-ce que tu peux te priver de, de Vinicius, pour moi, c'est quand tu vois le rendement, justement, comme tu dis, Solé, de Benzema quand il joue avec le Brésilien, ça serait illogique qu'il ne soit pas aligné. Et d'ailleurs, on peut regarder, ça va très vite le foot, parce que c'est la cinquième victoire consécutive du Real Madrid. Et il faut se rappeler qu'ils avaient perdu à domicile contre la Real Sociedad, qui sont pas loin de prendre un 3-0 à la dernière seconde, là, parce que William José, il en mange une, mais ils perdent avec un. Alors, le Real Sociedad avait changé de coach, en plus, donc sans. Même si Thiago Silva avait été entraîneur la saison dernière de la Real, il changeait quand même d'environnement. Et là, 5 victoires consécutives, dont une victoire vraiment très intéressante contre le Séville de Machin. Parce que si on se rappelle le 3-0 qu'ils avaient pris à l'aller, il n'y a pas eu photo. Et alors là, ils ont complètement étouffé le milieu de terrain, au point que maintenant on parle de crise à Séville. Panne de résultats. Et là, ils confirment. Je te l'avais dit que le Séville allait lâcher. Hein. Je te l'avais dit, ils allaient faire une balance numéro 2. Après, après, ils sont marrants en Andalousie, mais la crise à Séville, ça va quand même. Ils sont pas trop mal. Quoi. Mais si on prend le Real, ils ont battu de Betis, alors que Cristian marche toujours très bien contre le Real. Ils ont battu Séville juste après. Ils en ont passé 4 à l'Espagnol et ils en ont mis 3 à Alavés. Ils sont quand même dans une forme ascendante. Et justement, on parlait de Sergio Busquets au Real Madrid. Casemiro, ça va encore être le gros duel du milieu pour transmettre aux coéquipiers. Il n'y a pas Kroos. On retrouve un grand Modric aussi. On retrouve un très grand Modric, Michel. C'est sûr. Après, pour revenir sur Benzema, c'est connu que Benzema, il a toujours des moments dans une saison. Benzema avant, on sait qu'il jouait énormément pour Ronaldo. Maintenant qu'il n'est plus là, je pense que, puis vu la panne de but qu'il y a eu au Madrid en début de saison, je suppose que Solari lui a dit, ou alors lui a pris les commandes, il a dit bon, maintenant c'est moi le goleador, c'est moi qui dois marquer des buts. Vinicius, il a coûté combien? 40 millions, Vinicius? Non, c'est 45, non? 40. 40, tu te dis au début, putain, c'est une folie de payer ça. Je pense que c'est la première et la dernière fois que le Madrid va faire ça parce que c'est vraiment un pari sportif juste énorme. Ça, t'as un joueur sur 5 qui te sort comme ça. Parce que même moi au début, j'étais sceptique à ce sujet et je les ai critiqués à mort. Mais comment tu peux poser 40 millions pour un gamin de 18 ans qui n'a rien prouvé au Brésil, il vient à peine être connu. Là, le Madrid a eu de la chance, il s'est bien adapté à l'Europe, il est arrivé au bon moment, façon de parler, parce que le Madrid était en crise, parce que croyez-moi, je suis pas d'accord avec moi, mais si le Madrid aurait été comme l'année dernière avec Zidane, je pense pas que Vinicius aurait joué tout de suite. Et là, c'est un pari qui a réussi. Maintenant, je le trouve encore un peu trop égoïste. Au bout d'un moment, je ne sais pas si vous vous souvenez, là, hier, il fait 2 crochets sur l'intérieur et puis il fait une grosse frappe. Sur Pacheco en plein milieu, d'ailleurs Pacheco la dégage sans problème. Et là, à ce moment-là, tu vois, tu te dis c'est encore un gamin, il doit apprendre. Et puis il y avait Benzema qui était seul à ce moment-là, qui lui réclame un bal, lui dire putain, lâche-la moi, quoi. Et je pense que comme Madrid ne peut pas, et c'est pas bon pour le joueur, tout reposer sur lui. Ça, ce serait une erreur de la part. Je remarque qu'il y a beaucoup de supporters qui le font déjà, la presse médiatique espagnole aussi. Et ça, j'ai peur que ça crame le gamin, en fait. C'est vrai qu'il est en une de Marca. Il a la semaine dernière aussi. Ouais, il a une grosse, il met une grosse pression. Alors d'autant que Asensio est rentré hier, mais il est pas au mieux. Il s'est un peu perdu dans la vie madrilène. J'ai l'impression. C'est pas le premier. Ce sera pas le dernier. Et certainement pas le dernier. Avec un autre qui avait aussi perdu un peu son temps dans la vie madrilène nocturne, c'est Isco. Alors Isco qui a été humilié hier. Moi, j'aurais été à sa place, je regarde pas très bien pris. Tu rentres à 2-0 à la 88e. Bon. C'est un peu. Ouais, en plus, il a remplacé par. Mais Solari, il a des choix, honnêtement, pour moi. Il sort Vinicius, il fait rentrer Isco. C'est un tout petit peu humiliant. Je pense qu'il a complètement perdu Isco. Mais bon, Isco, après, on a vu. Pour les Madrilènes, après, on a chacun un avis différent. Mais moi, Solari, j'aime pas du tout. Déjà, l'image qu'il dégage. Après, c'est mon avis de nouveau. Hein. J'aime pas son coaching, j'aime pas. Autant il fait des très bonnes choses parce qu'il laisse l'opportunité à des Vinicius, etc. Puis il faut, Reguillon, etc. Il faut avoir les couilles, excusez-moi du terme, mais de le faire. Mais autant il est incompréhensible avec ces joueurs-là, quoi. Avec Isco, Asensio. T'as l'impression qu'il s'en fout, il leur laisse pas l'opportunité. Ils voient qu'ils sont au fond du trou, mais je ne fais rien pour les remonter. Long terme. Vas-y, vas-y, Solé. À long terme, Solari, je vois pas, je le vois pas continuer au Real. Il a beaucoup trop justement de contentieux avec ces joueurs-là. Et c'est pas un coach qui tira vers le haut quand on a besoin. Et c'est un coach, pour moi, un peu instable. À l'instar un peu de Valverde, c'est pas un coach qui tactiquement me fait rêver. Je sais pas trop si vous vous en souvenez, mais je sais plus c'est quand. J'ai peur de dire une bêtise, mais c'était contre Leganés. Il me semble que Marcelo avait été mis plus haut et Vinicius en 9. Il n'y avait eu aucune cohérence ce jour-là dans les postes ni le schéma tactique. Ça avait été une catastrophe. Et même derrière, je trouve qu'il n'arrive pas à gérer non plus sa défense. Je ne sais pas. Pour moi, à long terme, ce n'est pas un coach qui peut donner quelque chose avec ce Real-là. C'est bon pour une année de transition comme c'est le cas maintenant, parce que le Real est complètement en reconstruction après le départ. Après le départ de Ronaldo, mais à long terme, il va falloir que le Real change de coach ou alors les résultats vont tomber. Comme dit Michel, c'est un peu, on peut pas se reposer sur un gamin de 18 ans. Il va falloir construire toute une animation autour et reprendre un peu une vraie équipe à bout de bras. Et sinon, c'est des joueurs justement comme Isco qui vont en pâtir parce qu'ils sont totalement perdus et ils n'arriveront pas à avancer avec un contentieux. On ne sait même pas lequel qui réside entre le coach et ces joueurs-là. Alors, je vais rentrer dans mon rôle préféré, c'est-à-dire celui d'avocat du diable. Est-ce que vous croyez vraiment que des joueurs comme... Alors, je prends surtout l'exemple de Isco, parce qu'Asensio est encore jeune, il a 20 ans, 21 ans. Lui, tu peux encore le sortir un peu de la cave. Là, il est en train de revenir petit à petit. Je pense que lui, le traitement est différent. Mais Isco, à un moment, il faut arrêter qu'il ait besoin de quelqu'un pour lui tenir la main. On parle d'un international. Oui. On parle d'un joueur qui a vécu, qui le type, il y avait, je sais plus c'était la quelle année de la sortie de la dire ça de la sortie de du jour sans fin avec Bill Murray, l'histoire sans fin, je sais plus comment ça s'appelle, ouais, j'ai un trou. Bref, il revit toujours la même journée. Ben là c'est pareil, Isco, il revit toujours les mêmes trucs que ses entraîneurs. C'est-à-dire, il y a un nouvel entraîneur. Je suis d'accord avec toi. Maintenant, tu lui fais confiance, il est pas bon, il le sort. Après, il regagne un petit peu sa place, mais c'est toujours le 11e. Tout à fait d'accord avec toi. Il est instable, Isco. Si tu regardes, il a les mêmes problèmes avec Zidane. Je comprends pas ce que les gens ont avec Isco. Il fait une Coupe du Monde qui commence à enflammer comme des dingues. Je trouve qu'il est un mondial correct, mais sans plus. Il a été un bon plan B pour Zidane. Mais pour moi, c'est le leader d'un plan B. Et dans un plan A, je ne trouve pas. Il peut être bon. C'est déjà arrivé. Il a la finale de Cardiff, c'est un très bon exemple. Il a été bon. La demi-finale, le dernier derby au Calderón en Champions, quand il marque avec l'Espagne Benzema, il fait un bon match. Mais il faut être régulier. Et lui n'est absolument pas. Et en plus, Solari, il sait ce que c'est parce qu'il n'était pas régulier comme joueur. C'était un superbe joueur, Solari. Mais il n'était pas régulier, donc il sait ce que c'est. Après, en interne, Ancelotti, ça n'a pas marché. Zidane, ça n'a pas marché. Solari, ça ne remarche pas encore derrière. Mais attends, Isco, il est suffisamment grand pour se prendre par la main et se bouger, quoi. C'est pas quand il monte ses abdos sur les réseaux sociaux, mais il est complètement fou. T'as entièrement raison, Miguel. T'as des mecs comme Vinicius et même Gareth Bale qui est pourtant. Bon, Gareth Bale, il peut être un petit peu protégé par Florentino, mais Florentino apprécie beaucoup Isco. Ouais, mais Gareth Bale, il veut marquer, il est obsédé par le but. Bale, il est pas terrible, mais tu sais que le gars, il va rentrer, il va quand même tout donner, il va être percutant, il va tout de suite être en mouvement, tu vois. Et pourtant, bon, Bale, on peut pas dire que c'est pas non plus le footballeur du siècle, mais t'as au moins cet apport-là, tu vois. Isco, s'il disparaît de la circulation, tu le revois plus, c'est terminé, quoi. Donc ça, c'est un vrai problème. Asensio, il a cette faculté de débordement, de combiner. Alors après, le problème, c'est que lui, non plus, il connaît pas son poste encore, donc ça devient assez gênant. Mais pour moi, les deux cas sont opposés. Et en plus, si tu as Modric qui revient à un très bon niveau en termes de créativité, t'es quand même pas mal, quoi. Donc c'est pas non plus à choisir entre plusieurs joueurs sur le dernier joueur à rentrer dans le 11. Pour moi, Isco n'y rentre absolument pas et peut-être deuxième, troisième, voire quatrième choix offensif à cocher dans un 11. Mais tu verrais un départ du coup, enfin, vous verrez un départ cet été ou... Pour moi, il faut qu'il parte, Isco. Il faut vraiment qu'il parte. Je m'excuse de t'avoir coupé avant, Miguel, d'ailleurs. C'est que moi, je suis tellement habitué au programme radio espagnol où tout le monde parle en même temps et tout. Non, mais c'est vrai, mais. J'ai l'habitude, je m'excuse. C'est une cohérence auditive par rapport à. Bah, désolé, mais en tout cas, ce n'était pas fait volontairement. Non, t'inquiète, t'inquiète. Mais pour en revenir à Isco, tu as entièrement raison. Et je n'avais pas fait cette analyse aussi profonde que toi. Et d'ailleurs, tu l'as fait pour moi. Donc, chapeau. Maintenant, vous ne pensez pas que Isco, tu peux lui. Je ne sais pas comment on dit en français. Chaque match peut être sur. Que 2 minutes de jeu. Enfin, je sais pas comment on dit là. J'arrive pas à finir la phrase en français. Tu peux profiter un petit peu, oui. Voilà, tu peux quand même profiter un peu plus de ce joueur. Tu vas pas le garder, mais en tout cas, alors remets-le un peu plus en valeur. Tu le fais plus. Je m'excuse, on mange en même temps. Désolé pour les bruits. Tu peux quand même. Déjà pour le club, pour commencer. Moi, je pense que Isco, Soledad elle posait la question avant. Je pense qu'il faut qu'il parte du Madrid. Ça a jamais marché avec Ah là, les je suis d'accord entraîneurs avec toi. qu'il a eu. Moi, je le verrais bien à City, à Guardiola, par exemple, ou à la Juve. C'est ces deux clubs où je le verrais mieux. Maintenant, je pense que le Madrid doit être intelligent. Et le Isco, rien que par son nom, il va au moins valoir 60 millions. Maintenant, si tu le mets à jouer 20-30 minutes par match pour qu'il reprenne de la valeur, le Madrid doit l'utiliser. Parce que déjà, ils n'ont pas l'effectif pour se permettre de se passer d'Isco. Même si Isco n'apporte pas grand-chose, mais c'est que ceux qui sont sur le banc apportent moins que lui encore. Ah, Michel plan B, ce que je te dis. Oui, Oui, mais c'est le c'est plan quoi ton plan B. B? Il est repassé dans un plan B alors qu'on lui a redonné de la Ouais, bah là, confiance. il joue plus du tout, mais François, et pour Ouais, qu'il non, mange là, de c'est 2 minutes, il ne peut plus vrai que jouer. là, sur le match contre Alavés à 2-0, tu peux le faire rentrer beaucoup plus tôt. Voilà, on est d'accord. Pour moi, Solari, il a fait Non, le fixette sur lui, et puis. la gestion est un peu. Peut-être aussi, il préfère récompenser Vinicius en faisant un peu plus jouer pour qu'il prenne un peu plus de bouteilles. Après, il y a des trucs en interne, je sais pas trop comment ça fonctionne, mais effectivement, quand tu parles de City, ça pourrait être intéressant. Mais est-ce que aussi, peut-être plus reculé aussi, hein, finalement, parce qu'on est toujours mettre 10, mais peut-être que s'il avait un poste un peu plus reculé où sa qualité de passe pouvait un peu mieux parler, ça pourrait devenir une solution intéressante. Après, bon, défensivement, il n'a pas les capacités de cross, il défend pas spécialement très bien non plus, donc est-ce que tu fais reculer? Voilà, il y a une fa... enfin, et là, on parle d'un joueur, là encore une fois, on parle d'un joueur qui a du mal à s'y ressentir. Tu prends, ben, t'as parlé de Reguilón, par exemple. Ah, Reguilón, hier, il fait une passe D. Ah, Odriozola fait une passe D aussi. Je suis C'est d'accord, mais des à Madrid, des joueurs, crosses, ils ils ont. arrivent. Tu vois, bon, Odriozola, il a mis du temps à s'imposer. Reguilón, il va beaucoup plus vite. Mais même Odriozola, il a. En plus, lui, il est dans l'ombre de Carvajal, quoi. Il est juste dans l'ombre du meilleur latéral des 5 dernières années. Je suis d'accord, mais maintenant, c'est que j'ai l'impression qu'il y a des joueurs à Madrid qui ont le droit d'avoir des baisses de régime assez importantes, comme Modric, qui a été juste au début de saison. Alors oui, il y a la Coupe du Monde. Maintenant, il était catastrophique. Kroos, hormis ses blessures, a été aussi catastrophique. Bale. Ça fait 5 ans qu'il est payé pour être à l'infirmerie. Et Isco, par contre, lui, il doit tout de suite. Donc, je ne dis pas ça parce que c'est Isco. Hein. Si ça avait été Casemiro, j'aurais dit pareil. Si ça avait été Varane, j'aurais dit pareil. Mais je trouve que la situation actuelle est injuste avec Asensio et Isco. Et j'ai l'impression que ça, c'est dû à l'entraîneur. Ça, c'est mon avis à moi. Parce que tu m'excuses, mais la Modric, il revient maintenant à son meilleur niveau. Mais à 2 mois en arrière, il était pour être avec l'équipe réserve. Hein. Il n'arrivait pas en connaissant Modric, c'était triste à voir, quoi. Bale, honnêtement, quand tu vois le salaire que ce gars te coûte et qu'il avait à être là pour te mettre un coup franc en 3 mois et encore, il a de l'envie, il a ci, il a ça. Maintenant, à un moment donné, c'est comme quand on dit à Valence, ouais, mais putain, Zaza, au moins, il était là, il avait envie, il courait et tout. Franchement, moi, tu payes la moitié de ce que il gagne, tu me mets 6 mois en préparation et je compte tout autant qu'eux, hein. Vous n'êtes pas d'accord? Après, c'est le talent qui parle à un moment donné. C'est que j'ai l'impression que des fois, on est un peu. On voit quand même que Modric revient là, hein. Il est en plein Ah oui, là. Modric, là maintenant, c'est de nouveau le Modric d'avant, mais il a pris du temps. Il a pris le temps, c'est vrai. Après, Parce la que Coupe du Monde. Solari lui a laissé. Désolé, Miguel. Non, excuse-moi, non, c'est moi qui t'ai coupé, pardon. Parce que Solari lui a laissé le temps. Kroos, il n'était pas là au début de saison aussi. Solari lui a permis de. Et Isco, il n'a pas le droit. Donc, il n'a pas la même marge d'erreur qu'en fait les autres joueurs peuvent avoir. Après, je suis d'accord avec vous, il y a des antécédents. Le joueur, il est irrégulier depuis qu'il arrive à Madrid. Il fait des caca nerveux. Il se plaint. Et puis, que si je veux partir, je comprends aussi d'un côté, mais en ce cas-là, sois ferme. Tu dis, écoute, à la fin de saison, on trouve un club parce que cette situation n'est plus possible. Mais c'est pas bon ni pour le club ni pour le joueur de garder cette situation-là comme ça. On va passer à la troisième partie de ce podcast spécial Classico et c'est l'alerte rouge du côté de Barcelone. puisque Messi est très incertain pour la demi-allée de Copa. Alors, la grande question, est-ce que Valverde doit le faire jouer absolument ou est-ce qu'il doit le mettre au repos, et c'est-à-dire au repos au moins sur le banc, pour ne pas dire le mettre en tribune pour le match aller, non seulement pour éviter une blessure, parce que là, il a eu une petite alerte à la cuisse et une contracture lors du match contre Valencia, en prévision des échéances bien plus importantes qu'une demi de coupe pour le Barça, à savoir la fin de saison en Liga et surtout passer les quarts de Ligue des Champions. Si vous étiez le board, Valverde, mais y compris peut-être Bartomeu aussi, quel serait votre choix, Solé? Moi, je le mettrais au repos. Parce que là, on le sent. On sent quand même les premières fatigues arriver. Et vu le calendrier jusqu'au sprint final et jusqu'à Lyon, va falloir le ménager. Surtout qu'actuellement, il ne faut pas se cacher, l'animation offensive repose sur lui. Si jamais il se blesse, ça peut être, au vu du calendrier, très compliqué. Il y a une stat que je vais passer quand même. Le Barça, c'est, quand il n'y avait pas quand même Messi, après, c'est 25% de matchs perdus, c'est pas rien. Mais après, j'ai trouvé que où j'étais en tort avec Michel, c'est que je trouve que au contraire le Barça quand même a l'effectif pour faire quelque chose. Faut-il encore avoir un coach qui sait exploiter tout ça? Et sans Messi, on l'a vu en octobre dernier, grand problème, j'ai trouvé, voire même au contraire, ça peut galvaniser cette équipe. C'est aussi un défi que cette équipe, de toute façon, se doit de relever. À un moment, on ne peut pas compter. Si une équipe compte seulement sur un joueur, c'est une équipe qui fonce droit dans le mur. Il faut penser cette équipe dans son entièreté et laisser reposer justement son héros, parce que son héros, justement, n'est pas éternel et que vu le calendrier, si on ne repose pas, c'est foutu. Et après, il a le choix. Moi, pour ce match, concrètement, Alba doit être titulaire, Arthur et Dembélé. Si Dembélé revient, il y aura plus de largeur, il y aura des débouchés. Moi, je vois vraiment une équipe s'en sortir contre le Real sans Messi, mais il faut vraiment que les choix soient bons, aussi bien défensivement qu'au milieu de terrain, et aussi garder le contrôle sur le ballon avec Arthur. Je le mettrai titulaire à 100% face au Real et je vois pas le temps le Barça souffrir sans Messi. Après, ça dépend vraiment du coach. Pour moi, le problème, il reste le même. C'est l'animation que va choisir Valverde qui va présenter la suite. Et puis, voilà. Mais après, cette équipe l'a montré, elle peut s'en sortir sans Messi et je suis confiante et pas confiante. Tout dépend de la compo de Valverde mercredi. Michel, je pense que tu as... c'est pas bien, mais je pense que tu as été comme moi au moment où il y a eu sa contracture à la cuisse, qu'on a fait enfin. On s'est dit, c'est bon, on est tranquille. Parce qu'il, en fait, j'en ai marre que marre de jouer contre ce... C'est pas beau, hein, parce que Messi, c'est vrai. Ah, pour moi, je l'ai toujours dit, hein, quand il y avait Ronaldo. Je suis désolé pour les Madrilènes. Ah là, il fallait qu'il y ait quelque chose, quoi, parce que sinon, je pense que Messi au top, le dernier quart d'heure, je pense que le verrou saute. Le but qu'il met Peter Adolato qui a pas fait le meilleur match de sa vie, mais bon, le but c'est quand même, il y a que lui pour le mettre. Mais je suis désolé pour les Madrilènes, hein. Après, en toute honnêteté, pour moi Messi, j'ai toujours dit, est beaucoup plus complet que Ronaldo. À l'époque, il y avait la comparaison entre Messi et Ronaldo. Pour moi, Messi est le meilleur, hein. Je trouve que il distribue le jeu, il casse des lignes, chose que Ronaldo ne fait pas. Après, Ronaldo est beaucoup plus travailleur, mais bon, on n'est pas là pour comparer. Je suis tout à fait d'accord avec Soledad sur tout ce qu'elle a dit. La seule chose, c'est qu'après, on a tous un avis différent. Moi, je trouve que le Barcelone a un effectif un poil plus limité que les années précédentes. Mais au vu de l'effectif du Madrid aussi, je trouve que ça s'équivaut. Après, tu as posé la question, si vous étiez Valverde ou Bartomeu. Moi, si je suis Valverde, je me dis, je joue mon poste, hein, façon de parler. Donc, je me dis, moi, je le mets sur le banc parce que je perds. Déjà, on est d'accord que si le Barça avait joué contre le Betis ou même contre Valence, Messi aurait été sur le banc mardi. Cette semaine, pardon. C'est juste parce que tu joues contre le Madrid, c'est un classico. Maintenant, Je parle avec régulièrement des journalistes de Barcelone. Là, en l'occurrence, pour faire ma preview d'avant-match, j'ai parlé. Puis c'est ce qu'ils disent. La Coupe du Roi, ils en ont rien à Barcelone, c'est pas qu'ils en ont rien à faire. Mais d'ailleurs, tu vois bien que quand il met l'équipe qu'il met face au Séville, pourtant tu joues quand même le Séville en quart, Valverde te montre clairement que sa priorité est la Liga et la Champions. Après, c'est parce qu'ils prennent 2-0 qu'il met l'équipe type au match retour. Moi, si je suis Valverde, je mets Messi sur le banc parce que je me dis quand même, si je me fais éliminer de la coupe, mais que je gagne la Ligue des Champions et que je gagne la Liga, personne ne se rappellera que le Barcelone, façon de parler, hein, tu auras toujours un ou deux gars qui vont te le rappeler, mais ça passera aux oubliettes, on va dire, cette élimination. Et pour moi, c'est beaucoup plus important d'assurer la Liga, qui est quand même un travail beaucoup plus difficile et qui est sur le long terme, et la Ligue des Champions, que rappelons, le Barcelone, ça fait déjà quelques années qu'ils voient leur éternel rival soulever la coupe. Hein. Donc Et pour c'est là moi où... aussi. Pardon, Non, Michel. c'est moi, j'ai terminé. C'est là où je dis que je pense que. Et excuse-moi juste, tu sais, Puyol, il avait fait un tweet qui était juste excellent. Il disait que le Barcelone, avec la meilleure équipe de toutes les façons de parler, il disait pas de tous les temps, mais avec l'une des meilleures plantilles, enfin d'effectifs que le Barça avait pu avoir, n'a pas réussi à gagner Ligue des Champions, alors que le Madrid en a soulevé 4 de suite. Parce Ou qu'il y 3 de avait un suite, 3 ou 4, je sais plus, je m'excuse, je ouais, 3, m'excuse. 4 à 5 ans. Ouais, Après, voilà. c'est le coach. Et là où tu as raison, Michel, c'est que s'il repose pas Messi, sachant que sa tête, quoi, enfin, il a sa tête sur le bio, parce que s'il perd encore la Ligue des Champions en quart ou même avant, fini. Ah ouais, c'est fini. Donc là, il joue sa place. Et quand tu sais que Messi est le joueur à ne pas perdre, vaut mieux, quand il y a une alerte à la cuisse, de dire bon, vaut mieux que tu te reposes et après tu reprends, parce qu'il en a besoin, alors qu'il est, de toute façon, on le voit, hein, la consigne, c'est vous la donnez à Messi. Mais ça, je trouve pas juste, parce qu'on est d'accord que c'est le meilleur joueur au monde. Maintenant, faut pas oublier que les joueurs de football sont des êtres humains avant tout. Moi, j'ai pas non plus joué à un niveau, j'ai jamais fini professionnel, mais bon, j'ai quand même joué en troisième division. Je veux dire, par là, j'avais mon buteur, je savais très bien que je devais lui la mettre, et j'étais content de l'avoir dans mon équipe. Maintenant, moi, ce qui m'insupportait, c'était quand mon entraîneur le mettait sur un piédestal à chaque fois. Alors oui, Messi est le meilleur joueur au monde, etc. Maintenant, il n'est pas en train de jouer avec le Norman Fia. Il joue quand même avec des Suarez à côté, avec des Dembélé, des Coutinho. Je veux dire, il y a quand même des joueurs de grande envergure qui sont en effectif. Donc, je pense, j'espère que Valverde le fait comprendre, parce que sinon, ça fait clairement du favoritisme. Et ça met une mauvaise honneur en équipe. Alors oui, on parle de Messi. Maintenant, Valverde, c'est à lui de poser ce qu'il a en ses jambes et y mettre sur la table et dire, écoutez, ok, très bien, Messi n'est pas là, mais par contre, j'ai confiance en vous. Je sais que même sans Messi, on est une équipe et qu'on va battre le Madrid. Et puis que c'est pas parce qu'on perd un joueur qu'on n'est plus là. Vous n'êtes pas d'accord avec moi? Je trouve que c'est dénigrant pour les autres, en fait. Ah oui, je suis totalement d'accord avec toi. C'est même grave, parce Ah oui, c'est que là, grave. c'est vraiment se dire aussi qu'il est impuissant, que toutes les critiques formulées contre lui depuis le début sont vérifiées. S'il compte que sur Messi pour se sauver, pour sauver sa peau, c'est une catastrophe. Et ça, on Ouais, va en mais parler. on est Ouais, mais d'accord, mais tu dis qu'il est impuissant, mais c'est que dans ce cas-là, l'entraîneur est impuissant et montre l'image et donne le message à ses joueurs qu'eux aussi sont impuissants. Parce que moi, si tu es prêt à je suis pas mettre un d'accord avec joueur vous, les qui gars. a. Mais si tu mets un joueur qui a 50% de ses moyens, alors que tu as un gars qui va. Certes, c'est pas Messi, mais putain, il va pouvoir te tenir tout le match à 100%, le mec qui est sur le banc, il se dit, mais c'est quand que je vais pouvoir jouer? Bah, le Ouais, mais moi, souci, c'est que... je suis pas spécialement d'accord avec vous, hein. Ok, Parce que mais on est comme deux ici, contre un, donc on a gagné, hein. comme ici, il est pas là contre le Séville, ils sont pas payés. Hein. Hey. C'est simple que ça. C'est que s'ils ont pas Messi, ce Barça-là, il n'est pas fort. Il est juste pas fort. Pourtant, ils Mais ont parce quand que... même atomisé le Madrid 5-1 sans Messi. Et puis, Ouais, mais t'as vu l'état du Real. On l'a commenté avec Ben en direct, le match, on n'arrêtait pas de dire, regarde les passes de Rakitic pour Alba, au moment ça va passer. C'est passé. C'est la seconde d'après, ils ont fait le même circuit de passe. C'était catastrophique. Puis t'as les états de forme du Real, c'était pas possible. Ça reste, pour moi, ça reste un autre match. Mais là, tu prends le match contre Séville, où quand même tu donnes la possibilité à des joueurs de montrer ce qu'ils valent, d'avoir du temps de jeu, aussi de jouer sans Messi. Si jamais tu as une blessure, comme c'est le cas là, bah, tu as quand même des automatismes qui se créent sans l'Argentin. Et tu veux il que je te perd. dise un truc, Miguel? Dis-moi. Zidane, il aurait pas mis Messi, Zidane. Zidane n'aurait pas mis Messi, il l'a fait avec Ronaldo. Il y avait une dépendance envers Ronaldo au Madrid avant que Zidane arrive qui était juste monstrueuse. Zidane a commencé à dire à Ronaldo, écoute, moi je te veux au top, même pendant des matchs importants, il ne l'a pas mis titulaire. Et Zidane Oui, s'est gagné le respect de tous les joueurs comme ça. mais justement, Valverde n'est pas Zidane. Et quand on voit ce qu'il a fait avec des joueurs comme Alenia, justement, couper l'arbre sous le pied de joueurs qui sont sur une pente aussi ascendante, qui quand même apportent sur le terrain, ou encore Semedo qui apporte beaucoup plus même en latéral gauche, et qui reste et qui garde et qui est buté avec quelqu'un qui malheureusement n'a pas les qualités pour jouer à ce poste, ça envoie aussi des messages négatifs à l'équipe. Je voudrais Non, bien je suis quand même voir d'accord. comment ça se passe dans les vestiaires avec Valverde quand il y a des choix comme ça qui sont faits et que je suppose, à mon avis, que même les joueurs sur le terrain ne doivent pas comprendre. Donc oui, à mon avis, cette Messi aussi la dépendance qui, à mon avis, doit aplanir pas mal de tensions qui doivent être générées aussi par les choix du coach qui sont parfois incompréhensibles. Malheureusement, Zidane, il avait le respect de tout le monde. Valverde, je ne sais pas si c'est le cas encore. S'il arrive à aussi bien s'entendre avec les jeunes que s'entendre avec les plus Non, j'ai les rumeurs, comme j'ai entendu des échos de journalistes de Barcelone qui me disaient que Valverde, il avait le plus important, c'est qu'il avait les cadres. Donc, il avait les Piqué, les Busquets et les machins qui étaient avec lui. Et du coup, bah, quand tu as par exemple un Alenia qui n'est pas d'accord avec lui, c'est comme à Valence, là, quand il y a eu, vous avez su, je pense qu'il y a eu à un moment donné, ça se passait pas très bien entre les joueurs francophones, donc Gamero, Coquelin et Condobia, surtout à cause de Batshuayi, petite parenthèse, hein, à cause de Batshuayi, qui était très critiqué. Et du coup, bah, Condobia, Coquelin et Gamero ont pris parti de Batshuayi, de Michy, mais Marseille n'a pas sauté parce qu'il avait derrière les Parejo, les Gaia, les quatre, quoi, les Rodrigo, etc. Et à Barcelone, c'est pareil. À Barcelone, Valverde avec lui les joueurs qu'il faut avoir dans son clan. Façon de parler, hein. On ne parle pas de clan, mais je pense que tu as compris, je veux en C'est vrai venir. qu'Alba pour toi, a été pour la prolongation de Valverde, mais c'est des choses que personnellement, pour ma part, je ne comprends pas, étant donné que ce n'est pas une équipe qui fonctionne Oui, collectivement. mais Solé, Alba, c'est logique qu'il demande la prolongation de Oui, Valverde. C'est on ne lui l'a qui a pas resté. demandé de Alba, c'est lui le grand bénéficiaire de l'arrivée de Valverde. Pour le coup, ça aurait été quand même assez dégueulasse Oui, c'est vrai. qu'il pousse pas quand même Valverde. Et puis, après, moi, Valverde, on l'a eu à Valence. Donc, pour le coup, Bon, il va faire bon boulot à Valence, hein. ouais, enfin, moi, j'étais pas un grand grand fan pour Valence. Franchement, quand il a repris l'équipe, c'était rien. À la fin, t'es pas même sortir le PSG en 8e de Champions. Merci Banega. Mais c'était la pique hebdomadaire à Ever Banega. Mais c'est vrai qu'il a remis de l'ordre. Mais est-ce que Valverde est fait pour le cran au-dessus? C'est pas les mêmes ambiances, c'est pas du tout les mêmes enjeux. Si tu perds un match à Valence, ça va, tu vois. Bon, ça peut devenir très chaud. Marcelino, on a été témoin. Mais c'est pas la pression médiatique populaire du Barça. Voilà, Mais il y a attends, des c'est choses pas que. la pression médiatique, c'est la pression médiatique nationale. C'est Marcaya, c'est ces deux journaux Oui, c'est au-delà, bien où sûr. c'est violent à part ça. Crois-moi que si maintenant tu les interdis de publier un article en ligne ou sur édition papier, Ma Madrid et Barcelone iraient beaucoup mieux. C'est que c'est ouf comme tu peux, du jour au lendemain, retourner ta veste. Et le Madrid, là maintenant, tu regardes, c'est bon, ils sont repartis, ils vont gagner la Liga, ils sont le meilleur Madrid. Alors qu'il y a 10 jours en arrière, façon de parler, ils étaient en train de se faire déglinguer. Et c'est pas partout pareil, hein. Ne me dites pas oui, mais bon, c'est les médias, parce que même en France, c'est pas comme ça. Sur Eurosport, par exemple, avec le PSG, c'est pas comme ça. L'équipe, à Valence, je trouve que quand même, le Madrid et le Barça, c'est particulier niveau presse, hein. Ouais, enfin, bah, pour ceux que ça intéresse, on a fait un podcast il y a 2 semaines là-dessus. Donc, Ok. on explique tout dans les grandes lignes par rapport à tout ce qui est El Tulia et tout ça, et la pression, comme tu dis, les différences entre les presses de Madrid et de Barcelone. Parce que oui, ce sont deux clubs où la pression est permanente, avec plusieurs quotidiens sportifs régionaux, les antennes nationales, etc., etc. Pour conclure ce podcast, je vais vous mettre à contribution. Quels seraient vos deux 11 de départ, Barça et Real Madrid? Qui veut commencer? Vas-y, Solé, je te laisse commencer. Alors moi, pour le Real, pour moi, avec une possibilité, ce sera un 4-3-3, je pense. Allez, Navas, Carvajal, Ramos, Varane, Lucas Vasquez, je pense que ça va être un des éléments pour stopper, notamment Alba, je pense. Et au milieu, Kroos, Modric. Après, devant et pour s'allier, soit il y a Vinicius, peut-être régulier au milieu. Et oui, le duo Benzema-Vinicius, après, c'est le choix, il va être là. C'est ce que Marcelo, pour l'expérience, va être là. Moi, je le mettrais pour l'expérience. Je verrai à peu près. Et toi, Michel Real Madrid? Moi, je mettrais aussi Marcelo. Voilà. Mais après, enfin, je sais pas comment on est, je vais pas non plus donner à chaque fois mon point de vue, mais tu vois, si par exemple tu mets pas Vinicius et tu mets pas Reguilón, après le match qu'ils ont fait, tu les flingues niveau mental, les jeunes. Mais Ils vont oui. être dégoûtés, toi d'un côté, donc, mais d'un Il y a le côté, je peux derby aussi, comprendre hein. Je Valverde qui dit pensais qu'il y a que. le derby Voilà, samedi. exactement. D'un côté, tu te dis que c'est. Non, mais tu dis que c'est un classico. Le derby, franchement, je pense que, honnêtement, entre un classico et un derby. Je pense que le classico est quand même plus important. Maintenant, je sais pas, mais d'un côté, je peux comprendre Valverde aussi, qu'il a envie, je peux comprendre, Solari, qu'il a envie de mettre Marcelino, parce qu'il se dit, Marcelino, putain, je vais y arriver, excusez-moi, Marcelo, parce qu'il se dit, voilà, c'est un classico, j'ai besoin d'un mec d'expérience, qui sache jouer sous la pression, vous voyez ce que je veux dire? Reguilón, je sais pas s'il va réussir à assumer ça. Pareil pour Vinicius. Mais après, sinon, moi, je partirais donc du coup avec un Marcelo, Ramos et Nacho, parce que Varane, je crois qu'il est blessé, non? Ah, il est peut-être suspendu aussi d'ailleurs. Ok, Ah d'accord. oui, Donc j'avais Nacho. oublié. Par contre, je remettrais Odriozola, qui est un joueur qui a quand même un certain, même si c'est pas non plus un Marcelo, mais ça fait quand même quelques années qu'il joue à la Real Sociedad. Moi, je mettrais. Et il a quand même joué des Real Sociedad Bilbao dans des stades en feu. Donc, moi, je pense qu'il peut clairement assumer ce rôle-là, surtout après le match qu'il a fait. Casemiro, Modric, et je sais pas, c'est que Ceballos, il m'a plu aussi hier. Hein, donc, Ceballos, allez, je pars avec Ceballos. Et par contre, je mettrais Benzema en pointe, puis Vinicius avec Bale, quoi. Il n'y a pas non plus. C'est qu'il n'y a pas. C'est un casse-tête un peu. Ouais, Ouais. moi, je remettrais plutôt notre côté droit, Odriozola, Vasquez. Et à gauche, ouais, à gauche, peut-être Marcelo pour qu'il prenne un peu de temps de jeu en prévision du derby. Et tu le fais sortir à l'heure de jeu, tu fais rentrer Reguilón. Ouais, c'est Mais vrai. sinon, J'ai oublié Vasquez en fait. En fait, clairement, je te mettrai à la place de Bale. je vais jouer la cote. Ah non, je ne peux pas jouer la cote du coup. Pourquoi pas, c'est une titulaire. Voir. Allez, là, c'est vraiment trop, mais Isco sera pas titulaire, mais pourquoi pas? Pourquoi pas Asensio ou Isco? Et pas de Vinicius. Et Vinicius, tu le gardes un peu pour la fin de match et pour le derby. Pourquoi Moi pas? aussi. Moi Ça va être aussi. dur, je Et pense, encore après, plus. si j'étais Valverde, attention, là, il y aura de la surprise. Je Oui, toucherai pas la ligne de derrière. D'ailleurs, Semedo, je ne sais pas, petite parenthèse, vous avez compris son changement à la mi-temps? Parce que c'est lui qui remet le Barcelone dans le match avec son pénalty. Hein. c'est ce que je Ouais, disais, c'est incompréhensible. voilà. Donc moi, je mettrais Semedo à droite, Piqué, et puis ils ont personne d'autre à part Lenglet hein, derrière. Hein. On verra Ouais, mal. Et pas prêt. voilà. Donc voilà. Ensuite, je mettrais Alba, Busquets, Rakitic et Arthur Vidal. Devant, je mettrais Suarez, Coutinho et Malcolm. Ah, grosse cote, Malcolm. Mais c'est Malcolm vrai ou Boateng? Parce que moi, je ne mets pas Messi. oui. Maintenant, entre Boateng et Malcolm, tu m'excuses, même Boateng, il est revenu de nulle part. À part son ciseau acrobatique avec Las Palmas, il n'a pas fait grand-chose. Si tu mets Boateng à la place de Malcolm, tu le flingues. Hein, tu lui fais clairement comprendre que c'est pas que tu comptes pas sur lui, c'est que tu lui fais déjà sa valise pour qu'il parte. Hein. Donc, moi, je mettrais Malcolm parce qu'il est un joueur rapide, qui a du 1 contre 1. Le Madrid, on sait que c'est une équipe qui encaisse quand même pas mal de buts. Et je pense qu'il peut faire des dégâts dans la défense madrilène qui se prend au moins un but par match. En moyenne, hein, en moyenne. Et toi, Solé? Je partirai sur la même ligne de derrière. Michel, on va arrêter avec la supercherie, s'il vous plaît. Sergi Roberto, Semedo apporterait beaucoup plus de solidité. Donc, piquer l'anglais Alba, bien sûr, surtout Alba. Je maintiendrai à l'aigneur le Drakitic. Quitte à faire une surprise, c'est celle-là pour moi au milieu. Busquets et Arthur. Et pareil devant, Malcolm. Bah, après, si Dembélé est prêt, ça peut être du Dembélé, Suarez, Coutinho. On va voir. Mais sinon, Malcolm. Alors, je vais faire criser aussi les gens qui sont sur le chat. Et moi, je mets pas Suarez titulaire. Je le garde. Ouh. Ah non, non, parce qu'ils ont pas le match, ils ont pas de gros match. Donc non, je vais garder. Mais je mets peut-être Boateng titulaire. Non, mais juste principalement pour me marrer. Juste pour voir Boateng. Oh, là, Valverde, il se fait tuer. C'est fait ça. Oh, la folie que ça peut être. Oh, la folie que ça peut être. Moi, je te dis, Boateng sur un classico. Alors, moi, je. Malcolm à droite. Ah ouais, non, là, franchement. Là, ce but me fait aller au stade, Boateng. Boateng, c'est pas et là, à Madrid, ils ragent comme des fils de. À Madrid, là, ils rageraient tellement fort, ils diraient putain, ils ont aucun respect pour nous, ils se pointent avec Boateng et Malcolm en pointe. Tu sais, Boateng et Suarez devant, c'est un remake de Jurassic Park. Hein. L'arbitre, il prend peur, tu sais. Hein, c'est les deux vélociraptors, quoi. Ah ouais, moi, je veux qu'on rigole. Ah non, moi, j'avais juste un dernier truc avant de j'avais une question avant de quitter ce podcast pour Solé. Entre Palero et Banega, parce qu'on a eu un long débat il y a 3 semaines en arrière, et là, j'ai l'impression que le temps est en train de me donner raison. Pour toi, qui est actuellement le plus complet, le meilleur, entre parenthèses. Parejo. Au vu de son match. Oui, Parejo, je ne sais même pas où ça va se discuter. Mais t'étais pour Banega, toi, non? Tu l'as même vu dans ton type. Mais sur la semaine. Non, c'était avant les fêtes de fin d'année, tu avais fait le 11 type de l'année de la semaine. Sur les 6 derniers mois, oui, tu es Banega, tu ne peux pas aller, ça c'est pas possible de mettre Banega. Mais après, dans la régularité, dans ce qu'il a prouvé, en tout cas à Valencia, ça ne discute pas. Enfin, je veux dire, ah, ok, d'accord, alors j'ai compris. Ok, alors c'est mal compris. Banega, pour moi, il y est, mais ce que j'avais dit, c'est qu'il est-ce qu'il serait sur les 6 mois suivants, c'était clairement pas sûr, et c'était d'ailleurs là, depuis le match contre le Real. Il reste un peu sur les. C'est compliqué pour lui. Il irait tellement bien. Et j'espère que personne m'écoute, que personne du Barcelone m'écoute. Mais il irait tellement bien au Barcelone, Palero. C'est un joueur qui a. Oulala. Mais j'espère qu'il y partira jamais. Hein, parce que pour moi, c'est comme Rodrigo, c'est mes genres fétiches. Et s'ils partent, je crois que je crève d'une crise cardiaque. Mais Palero, pour moi, au Barcelone, vous vous rendez compte les lignes, la distribution de balles qu'il a. Après, il y aura malheureusement là au milieu, c'est déjà. Enfin, mais Rakitic, il part cet été. Hein. Moi, j'ai entendu dire. Il arrive, il y a quand même, il y a plus de place. Pour moi, il y a plus de place au Barça. D'ailleurs, Valverde l'a voulu. Hein. Ça fait 2 saisons de suite qu'à Valence, on a peur. Hein. Valverde fait le forcing chaque été pour l'avoir. Non, au vu du recrutement qu'il y a eu cet hiver. C'est pas possible. Ça le freinerait, je trouve, dans sa progression quand même. Il serait complètement. Il risquerait de faire une partie sur le banc. Alors que là, vu ses performances, il devrait plus bouger. Donc, non. Non, là, il vient le renouveler en plus. Je pense que lui, il va faire sa retraite à Valence. Hein, mais... Moi, il y a un gars qui me disait, puis pourtant, c'est pas un Valencien. Hein, il me disait que Palero, dans n'importe quelle équipe en Espagne, il serait titulaire. Ouais. Non, j'ai envie de te dire non. Parce que si c'était le cas, il le serait. Tout simplement. Donc, je ne sais pas pour. Bah, tu sais que moi, je reste relativement mitigé par rapport au reste pas mal de monde sur Palermo. Mais là, quand il est à ce niveau-là, c'est bien. Mais le problème, c'est que ça fait ça. Pendant 3-4 mois, tu as la cave. Donc, c'est un peu. Mais c'est qu'il joue tout aussi, il fait tous les matchs. Palero, tu regardes. Ah oui, mais ça, on en avait parlé, c'est pas bon, ça non plus, tu peux pas. C'est un peu le problème de turnover de Marcelino par rapport à Palero, parce que ça fait 2 ans qu'il joue tous les matchs, que Vaz avait été recruté pour ça, pas pour être latéral ou pour être lié droit, parce qu'il ne veut pas mettre solaire non plus. Ça, c'est un vrai problème. Ça, c'est autre chose. Et je pense que oui, il a perdu en rendement parce qu'il ne joue pas assez. Et qu'il n'y a pas le temps d'introduire un éventuel remplaçant et que quand il est en méforme ou qu'il est suspendu ou quoi que ce soit, ça devient problématique. Donc ça, oui, ça c'est une erreur de la gestion la Valverde. Et sur le match de, il est MVP de la du 11 de la semaine de Foya Liga, Palermo. C'est même moi qui ai noté, donc j'ai mis 9. On peut pas dire que je sois la dent dure sur Palermo, quoi. Mais pas oublier non plus que le milieu de terrain du Barça était pas au complet, était pas terrible. Donc voilà. Tu vois, il fait un gros match, il est bon, il marque, il fait beaucoup de récupérations. L'interception sur Messi sur l'ouverture du score, voilà, ça c'est du très très haut niveau. Mais voilà, je suis toujours un petit peu, toujours quelque chose qui me dit oui, mais tu vois, c'est Palermo, c'est toujours été ça. Et tu sais aussi que à Mestalla, Palermo non plus. Ça se trouve, il peut faire. Mais il y aura, je ne sais pas s'il y a eu des joueurs qui ont fait autant d'années. Peut-être Fernando Gomez Colomer, qui a fait autant d'années à Valence, s'il va jusqu'au bout de son contrat en 2022. Ça ferait 11 ans. Quelle serait sa place en tant que capitaine et en tant que joueur du Valencia? Là, ça, mais là, il a clairement pris. Ouais, parce que là, on va trop. Moi, il faut aussi que j'y aille gentiment. mais pour terminer, il a clairement pris les rênes. Là, on en parlait il y a 3 semaines en arrière. Un mois en arrière, tu vois qu'il. Évidemment, il y a une image qui m'a choqué, c'est que à Coquelin, qui est quand même un joueur qui a joué à Arsenal, qui a joué, enfin, c'est un grand joueur, il lui a dit, oh, reste. Évidemment, il le place, il dit, reste là, etc. Tu vois qu'il prend maintenant ce. Je ne sais pas comment du jour au lendemain ça lui est arrivé, parce que c'est lui arrivé du jour au lendemain, ça. Parce que ce n'est pas comme si l'année. Tu me disais, oui, mais c'est depuis que Barcelona, parce que l'année passée, il fait une très bonne saison, mais il ne prend pas ce rôle de capitaine en main. Et là, depuis que le Valence est en crise avec Marcelo, on va dire, était en crise parce qu'il commence gentiment à remonter la pente. Palermo a su prendre l'équipe en main et, comme en espagnol, tira del carro. C'est-à-dire qu'il a vraiment voulu, et ça, j'ai trouvé courageux de sa part, et c'est ce qu'on attendait de lui, quoi. Ouais, d'ailleurs, moi, l'image que j'ai, c'est quand il va avec Gabriel Paulista, ils vont chercher Tony Latour en fin de match pour lui dire maintenant, concentre-toi, il reste 5 minutes. Voilà. Ça, c'est vrai que Palermo, il faisait pas trop ça. C'est vrai que ça. Il y a un mois en arrière, il l'aurait pas fait, mais je sais pas, voilà. Il a eu un déclic, je pense, et dire bon, maintenant, c'est à moi de prendre les choses en main, je suis le capot, tu vois. Et enfin, puis, il a une bonne relation avec Marcelino, donc peut-être que ça. Peut-être que, voilà, il s'est dit. Mais ça, c'est si effectivement il devient ce leader, parce que pour moi, Palermo n'a jamais été un leader, il n'a pas l'étoffe d'un capitaine. Par exemple, Gaïa l'a beaucoup plus naturellement. Mais si, en revanche, il prend ce rôle-là. Et là, en plus, je pense qu'il y a quelque chose qui a utilité dans l'aspect de pas mal de joueurs, c'est que tu joues le Betis, tu peux aller en finale. Ouais. C'est l'année du centenaire. C'est-à-dire que si Palermo, tu gagnes la coupe, il va être le capitaine du centenaire qui soulèvera le premier trophée. Depuis, clairement. Puis après, tu joues un Madrid ou un Barça en finale, c'est sur un match, d'autres minutes, tu peux transcender. Oui, tu peux gagner. Oui. Donc, voilà, un match aller-retour, c'est. Je pense que les joueurs ont dû se dire ça aussi. On va être l'équipe du centenaire qui va se vautrer, quoi. Et ça, je pense que ils ont compris que ça ne peut pas leur arriver. Ils n'ont pas le droit de. Et moi, j'y crois vraiment à la Ligue des Champions. 6 points, là, Séville, ça fait 4 mois qu'ils viennent pas à l'extérieur. Je l'avais dit au début de saison, Séville, ils vont se péter la gueule et ils sont en train de se péter la gueule. Hein. Ils n'arrivent pas à gagner Si tu suis la courbe de Gilon l'année dernière de Machin, la fin de saison est catastrophique alors qu'ils peuvent aller jouer l'Europe. Et ils ont une série de 5-6 matchs sans victoire. Pourtant, moi, j'adore Machin. Hein. Si maintenant Marcelo doit naître fin de saison, ce que j'espère pas, hein, limogé, moi, je préfère largement un Machin à un Bordalas. Machin, pour moi, est un très bon entraîneur. Je pense qu'il doit encore apprendre. Bordalas, ça risque d'être un petit peu compliqué à Valence. Bah ouais, moi, c'est tout simplement ça. C'est depuis ce qui s'est passé que je n'ai pas envie de. Mais Machin aussi, il a mis une petite pièce dans le jeu box aussi. Je sais, c'est un peu plus Machin, amical. C'est compliqué aussi, mais bon, oui, c'est vrai qu'au niveau du jeu, Machin, si on préfère le jeu, il y a plus le côté Barça, on va dire, Machin. Machin, oui. Ouais, donc voilà, on va refermer ce podcast, donc spécial Classico. On reviendra la semaine prochaine sur les résultats. Je précise que nous allons enregistrer un hors-série Etel No Derby demain et il sera diffusé en cours de semaine, je pense vendredi. Il y aura Elias Bailif et Pablo Sanchez. On va parler histoire des deux clubs, les racines. La rivalité, etc., pour le match de samedi au Vanda Metropolitano. Il y aura des gens de Foya Liga au stade, d'ailleurs. Donc, on essaiera un peu de faire quelques petites vidéos et quelques tweets sympas pour montrer un peu ce grand match. Il y a eu 0-0 à l'aller, donc espérons quand même un peu plus de buts et de niveau au retour, on attend un grand Griezmann et puis le retour en forme du Real Madrid qui, s'il gagne, passe devant l'Atlético au classement, parce que deuxième. Donc beaucoup d'enjeux. Michel Campos, merci. Merci à toi. Vous pouvez suivre la toute activité du Valencia Club de Football sur Valencia Esport. Sur Twitter. Ouais, tout à fait, merci. À tous les jours. Là, il y a un papier Valencia qui est la Copa. Donc, on t'attend à ton maximum jeudi soir pour le match aller contre le Betis. Exact. Ouais, on espère que ça va, Gérald. Ça va être une très très belle ambiance. On n'arrêtait pas de jouer le Barcelone à chaque fois. Donc, nos envies. Donc, j'espère que cette année, ce sera différent. Quoi. Et puis, accessoirement, il y a une petite rivalité parce que le Villamarine a eu l'organisation de la finale de la Coupe le 25 mai au détriment de Valence. Donc, on ne remerciera jamais assez la fédération de respecter l'année du centenaire de Valence. Et donc, c'est le Villamarine qui va organiser. Je pense que si ça avait été l'année des 100 ans du Bétis, j'aurais trouvé normal qu'il leur donne. Maintenant, je trouve que pour n'importe quel club, attention, c'est pas parce que c'est le Valence, hein, mais je trouve que c'est dégueulasse. Ouais, c'était logique, c'était ça. Donc, ça va rajouter une petite touche de tension. Ouais. Le Classico mercredi, et puis voilà, après, encore pas mal de grands matchs. Soit Darke Vasquez, bonsoir. Bonsoir à tous. Et tu reviens quand tu veux, mais pas autant de temps. La prochaine fois, quand même, tu retrouveras la... Non. Cette fois-ci, je vais faire en sorte de venir plus souvent. Ça m'avait manqué, donc non. En tout cas, ça m'a fait plaisir de t'avoir rencontré puis d'avoir pu échanger de vive voix. C'est vrai que j'avais pas eu l'occasion de faire un podcast ni d'échanger plus longuement avec les petits nouveaux. Alors on se retrouve donc pour le podcast hors série cette semaine et évidemment lundi prochain. Vous nous suivez sur footballaliga.fr, le site qui monte. Donc, on vous remercie d'être de plus en plus nombreux à lire nos articles. On a beaucoup de prévias qui arrivent, Albaltidas pour les deux matchs de Copa. Voilà, il y a les prévias, il y a les articles, beaucoup d'articles qui vont être consacrés à l'ETL Nodel, mais sûrement au Classico. On a des interviews qui arrivent, beaucoup de belles choses. Donc on vous remercie, toujours Twitter, Facebook, YouTube et Instagram aussi avec l'ami Gepincho qui nous fait des superbes photos pour Instagram. Ben, on se dit à lundi prochain. Allez, hasta luego, ciao, adeo.